Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delvaux Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler de boxe. Marie-Ève Duquet qui a défendu avec succès son premier titre. Elle a battu son aspirante Michaela McLaren. Question de savoir un peu comment que ça a été, si elle était contente de sa performance. On lui parle. Salut Marie-Ève. Bonjour. Marie-Ève, contente de ta performance, contente, j'imagine, malgré la coupure? Oui, ben, je pense que ça ajoute un sentiment de fierté dans toute cette expérience parce que d'être capable de boxer 8 rondes sans se faire toucher une fois de plus avec peu parce que on savait que l'arbitre aurait pu arrêter le combat à n'importe quand. Ça ajoute un petit sentiment de fierté, puis je pense que je suis très contente de ma performance, là, somme tout, dans tout ce qui s'est passé. Là. Quand que ça arrive de même, est-ce qu'on a, sur le ring, en plein combat, est-ce qu'on a l'intention de se protéger, malheureusement? Parce que là, j'imagine que quand il y a une coupure de même, l'adversaire, j'imagine qu'elle s'en va vers ton côté faible que tu es exposé, donc l'œil. Est-ce qu'on se protège plus ou on est moins agressif dans ce temps-là? Ben c'est sûr qu'on doit ajuster la stratégie parce que si j'avais reçu un autre coup dans l'œil, probablement que l'arbitre aurait pu arrêter le combat. Au début, ça aurait été un no contest, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de décision parce que la coupure était due à un coup de tête. C'était accidentel, donc à ce moment-là, le combat aurait été cancellé. Par contre, plus le combat avançait, si c'était un coup qui avait causé la suite de ça, j'aurais perdu par disqualification. Donc, ça aurait été une défaite à ma fiche et c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Donc, pour nous, la stratégie a été modifiée. Puis, à la place d'être plus agressive, on a joué de façon plus sécuritaire. Puis, on s'est assuré de remporter chacun des rounds sans recevoir de coups là, qui auraient pu mettre fin au combat. C'est une... je veux dire, c'est une faiblesse. Je me rappelle de Léonard Dorin à l'époque, au début des années 2000, qui lui, boxeur. Arturo Getty aussi était un boxeur comme ça, qui avait plusieurs coupures. Toi, c'est pas ta première fois que t'es coupé. En 2018, t'étais coupé également. Est-ce qu'on peut dire que c'est une faiblesse dans le cas de Marie-Ève Duquet? Non, c'est vraiment dû au style. L'accident. En fait, le fait que c'est accidentel et le fait que je sois gauchère, automatiquement, quand j'affronte une boxeur droitière, les têtes sont plus proches. Donc, si j'affronte un adversaire qui va lancer sa tête avant ses coups de poing, ben à ce moment-là, il y a beaucoup plus de risques que ça arrive. OK, OK. Là, il se passe quoi avec toi, là? Les vacances pour le moment. Ouais. Et par la suite des choses, je sais que avec Yvon, Michel, avec mon entraîneur, toute l'équipe va s'asseoir pour la suite des choses. On va s'assurer que la coupure guérisse bien. En ce moment, il y a eu des points de suture qui ont été faits. Ça va super bien. Mais on veut s'assurer que ce soit bien guéri avant de remonter dans le ring. Puis, dans quelques semaines, on va évaluer tout ça, puis on va prendre la décision pour la suite des choses. Parce que là, on parlait du stade Uniprix. Oui, je sais que ça a passé un petit peu dans les médias. Pour moi, de mon côté, on m'a gardé vraiment dehors de tout ça parce que c'était important pour moi de me concentrer sur mon combat de samedi dernier au casino. Donc, j'ai aucune idée. Et pour la suite des choses, on va vraiment prendre la décision qui va être le mieux par rapport à ma santé. La dernière chose qu'on veut, c'est remonter dans le ring avec une faiblesse, avec une coupure qui n'a pas bien refermé, puis d'être vulnérable parce que ça réouvre un combat. Donc, on va s'assurer vraiment que tout est bien cicatrisé avant d'annoncer la suite des choses. Des combats de filles, des combats d'hommes, vous êtes quand même... Ils sont suspendus 30 jours minimum. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour vous, OK. Ouais. Même si il y a moins de rondes et la ronde dure moins longtemps, vous avez les mêmes exactement la même affaire? Les suspensions vont en fonction du nombre de rondes. Okay. Donc, si on fait un combat de 4 rondes, on est suspendu une semaine, 6 rondes, 2 semaines, 8 rondes, 3 semaines et 10 rondes, c'est un mois. OK, OK. Donc, c'est la même chose. Par exemple, j'ai demandé à des auditeurs pour savoir un peu quelques questions, s'il y aurait des questions à rafale. Il y en a une que tu m'en as déjà parlé parce que c'est pas la première entrevue qu'on fait ensemble. Là. Tu me l'as déjà parlé, mais sûrement qu'il n'était peut-être pas à l'écoute à l'époque. Je vais te la reposer la question. Qu'est-ce qui t'a attiré à la boxe? En fait, ce que je voulais faire, moi, c'était de participer aux Jeux olympiques. J'ai été dans les sports de combat toute ma vie. J'ai fait du karaté, j'ai fait du kickboxing, mais c'était pas des disciplines olympiques. Donc, un jour, je regardais les Jeux olympiques et je me suis dit, je peux pas croire que je vais jamais participer aux Jeux olympiques. Et je me suis mis à boxer dans l'espoir d'aller aux Jeux olympiques. Puis finalement, voici où ce que je suis rendue. La boxe, c'est devenu ma passion. Je mange la boxe, j'adore la boxe. Et c'est ce qui m'a amené au départ. Ben oui. Ben Marie-Ève, félicitations encore une fois. Bravo pour ta performance et au plaisir de se parler à ton prochain combat. Ben, ça me fait plaisir. Marie-Ève Diquel, la championne du monde de boxe.